Alsace, Alsace, par Alphonse Daudet. J'ai fait, il y a quelques années, un voyage en Alsace qui est un de mes meilleurs souvenirs. Non pas cet insipide voyage en chemin de fer dont on ne garde rien que des visions de pays découpées par des rails et des fils télégraphiques, mais un voyage à pied, le sac sur le dos, avec un bâton bien solide et un compagnon pas trop causeur. La belle façon de voyager, et comme tout ce qu'on a vu ainsi vous reste bien. Maintenant, surtout que l'Alsace est mûrée, il me revient de ce pays perdu toutes mes impressions d'autrefois, avec cette saveur d'imprévu des longues courses dans une campagne admirable, où les bois se lèvent comme des rideaux verts sur des villages paisibles inondés de soleil. Où l'on voit un tournant de montagne, les clochers, les usines traversées de ruisseaux, les scieries, les moulins, la note éclatante d'un costume inconnu sortir tout à coup des fraîcheurs vertes de la plaine. Tous les matins au petit jour, nous étions sur pied. « Mossier, Mossier, c'est 4 heures !» nous criait le garçon d'auberge. Vite, on sautait du lit et le sac bouclé, on descendait à tâtons le petit escalier de bois résonnant et fragile. En bas, avant de partir, nous prenions un verre de kirsch dans ces grandes cuisines d'hôtellerie où le feu s'allume de bonne heure, avec ces frissonnements de sarments qui font rêver de brouillard et de vitres humides. Puis en route. C'était dur au premier moment. À cette heure-là, toutes les fatigues de la veille vous reviennent. Il y a encore du sommeil dans les yeux et dans l'air. Peu à peu, cependant, la rosée froide se dissipe. La brume s'évapore au soleil. On va, on marche. Quand la chaleur devenait trop lourde, nous nous arrêtions pour déjeuner près d'une source, d'un ruisseau, et l'on s'endormait dans les herbes au bruit de l'eau courante pour être éveillé par l'élan d'un gros bourdon qui vous frôlait en vibrant comme une balle. La chaleur tombée, on se remettait en route. Bientôt le soleil baissait et à mesure le chemin semblait se raccourcir. On cherchait un but, un asile, et l'on se couchait harassé, soit dans un lit d'auberge, soit dans une grange ouverte ou bien au pied d'une meule, à la belle étoile parmi de murmures d'oiseaux, des fourmillements d'insectes sous les feuilles, des bonds légers, des vols silencieux, tous ces bruits de la nuit qui, dans la grande fatigue, semblent des commencements de rêve. Comment s'appelaient-ils tous ces jolis villages alsaciens que nous rencontrions espacés au bord des routes? Je ne me rappelle plus aucun nom maintenant, mais ils semblent tous si bien, surtout dans le Haut-Rhin, qu'après en avoir tant traversé à différentes heures, il me semble que je n'en ai vu qu'un. La grande rue, les petits vitraux encadrés de plomb, enguirlandés de houblon et de rose, les portes à claire-voie où les vieux serpillaient en fumant leurs grosses pipes, où les femmes se penchaient pour rappeler les enfants sur la route. Le matin, quand nous passions, tout cela dormait. À peine entendions-nous remuer la paille des étables ou le souffle haletant des chiens sous les portes. Deux lieues plus loin, le village s'éveillait. Il y avait un bruit de volets ouverts, de seaux heurtés, de ruisseaux emplis. Lourdement, les vaches allaient à l'abreuvoir en chassant les mouches avec leurs longues queues. Plus loin encore, c'était toujours le même village, mais avec le grand silence des après-midi d'été, rien qu'un bourdonnement d'abeilles qui montait en suivant les branches grimpantes jusqu'aux fêtes des chalets et la mélopée traînante de l'école. Parfois, tout au bout du pays, un petit coin non plus de village, mais de province, une maison blanche à 2 étages avec une plaque d'assurance toute neuve et reluisante, des panonceaux de notaire ou une sonnette de médecin. En passant, on entendait une valse au piano, un air un peu vieilli tombant des persiennes vertes sur la route ensoleillée. Plus tard, au crépuscule, les bestiaux rentraient, on revenait des filatures. Beaucoup de bruit, de mouvement. Tout le monde sur les portes des bancs, des petits blondins dans la rue et les vitres allumées par un grand rayon du couchant venu on ne sait d'où. Ce que je me rappelle encore avec bonheur, c'est le village alsacien le dimanche matin à l'heure des offices. Les rues désertes, les maisons vides avec quelques vieux qui se chauffent au soleil devant leurs portes. L'église pleine, les vitres colorées par ces jolis tons mourants et roses qu'ont les cierges au grand jour. Le plein chant entendu par bouffées au passage, et un enfant de cœur en soutane écarlate traversant lestement la place, tête nue, l'encensoir à la main, pour aller chercher du feu chez le boulanger. Quelquefois aussi, nous restions des journées entières sans entrer dans un village. Nous cherchions les taillis, les chemins couverts, ces petits bois grêles qui bordent le Rhin, et où sa belle eau verte vient se perdre dans les coins de marécages, tout bourdonnant d'insectes. De loin en loin, à travers le mince réseau des branches, le grand fleuve nous apparaissait chargé de radeaux, de barques toutes pleines d'herbages coupées dans les îles, et qui semblaient elles-mêmes de petites îles éparpillées, emportées par le courant. Puis c'était le canal du Rhône-Rhin, avec sa longue bordure de peupliers, joignant leurs pointes vertes dans cette eau familière et comme privée, emprisonnée d'étroites rives. Ça et là, sur la berge, une cabane d'éclusiers, des enfants courant pieds nus sur les barres de l'écluse, et dans les jaillissements d'écume, de grands trains de bois qui s'avançaient lentement en tenant toute la largeur du canal. Après, quand nous avions assez de zigzags et de flâneries, nous reprenions la grande route droite et blanche, plantée de noyers aux ombres fraîches et qui montent vers Bâle, la chaîne des Vosges à sa droite, le Schwarzwald de l'autre côté. Oh, par les lourds soleils de juillet, les bonnes halles que j'ai faites au bord de ce chemin de Bâle, couché de tout mon long dans l'herbe sèche des fossés, avec les perdrix qui s'appelaient d'un champ à l'autre et la grande route qui faisait son train mélancolique au-dessus de nos têtes. C'était un juron de roulier, un grelot, un bruit d'essieu, le pic d'un casseur de pierre, le galop pressé d'un gendarme effarant un grand troupeau d'oies en marche, des colporteurs harassés sous leurs balles et le facteur en blouse bleue passementée de rouge, quittant tout à coup le grand chemin pour s'en aller dans une petite traverse bordée de haies sauvages, où l'on sentait un hameau, une ferme, une vie isolée tout au bout. Et ces jolis imprévus du voyage à pied, les raccourcis qui allongent, les sentiers trompeurs que font les roues des charrettes, les piétinements des chevaux et qui vous conduisent au beau milieu d'un champ, les portes sourdes qui ne veulent pas s'ouvrir, les auberges pleines et l'averse, cette bonne averse des jours d'été, si vite évaporée dans l'air chaud, qui fait fumer les plaines, la laine des troupeaux et jusqu'à aux plantes du berger. Je me souviens d'un orage terrible qui nous surprit ainsi à travers bois en descendant du ballon d'Alsace. Quand nous quittâmes l'auberge d'en haut, les nuages étaient au-dessous de nous. Quelques sapins les dépassaient du faîte. Mais à mesure que nous descendions, nous entrions positivement dans le vent, dans la pluie, dans la grêle. Bientôt nous fûmes pris, enlacés dans un réseau d'éclairs. Tout près de nous, un sapin roula foudroyé, et tandis que nous dégringolions un petit chemin de schlitage, nous vîmes à travers un voile d'eau ruisselante un groupe de petites filles abritées dans un creux de roche. Épeurées, serrées les unes contre les autres, elles tenaient à pleine main leurs tabliers d'indienne et de petits paniers d'osier remplis de myrtilles noires, fraîches cueillies. Les fruits luisaient avec des points de lumière, et les petits yeux noirs qui nous regardaient du fond du rocher ressemblaient aussi à des myrtilles mouillées. Ce grand sapin étendu sur la planche, ses coups de tonnerre, ses petits coureurs de forêt déguenillés et charmants, on aurait dit un conte du chanoine Schmitt. Mais aussi quelle bonne flambée en arrivant à Rougegoutte, quel beau feu de foyer pour sécher nos hardes, pendant que l'omelette sautait dans la flamme, l'inimitable omelette d'Alsace, croquante et dorée comme un gâteau. C'est le lendemain de cet orage que je vis une chose saisissante. Sur le chemin de Danemarie, à un tournant de haies, un champ de blé magnifique, saccagé, fauché, raviné par la pluie et la grêle, croisait par terre dans tous les sens ses tiges brisées. Des épis lourds et mûrs s'égrenaient dans la boue, et des volées de petits oiseaux s'abattaient sur cette moisson perdue, sautant dans ces ravins de paille humide et faisant voler le blé tout autour. En plein soleil, sous le ciel pur, c'était sinistre ce pillage. Debout devant son champ ruiné, un grand paysan long, voûté, vêtu à la mode de la vieille Alsace, regardait cela silencieusement. Il y avait une vraie douleur sur sa figure, mais en même temps quelque chose de résigné et de calme, je ne sais quel espoir vague, comme si c'était dit que sous les épis couchés, sa terre lui restait toujours vivante, fertile, fidèle, et que tant que la terre est là, il ne faut pas désespérer. Ainsi se termine Alsace, Alsace, par Alphonse Daudet.